juste la base, là. Thank you. Moi qui suis pas calé. Ah putain, ça dégage chez moi. À 90 alors. Thank you.

Allez. Yes. C'est un morceau à toi, Benj. Thank you. suivant. Il y a un métalleux là. C'est fini ce bordel. C'est vite. Fait le solo. Yeah, c'est bon, qui c'est qui joue le solo? Tu connais ça? Celui-là. change everything. Hey Benj, sur le 1 s'il te plaît. Satriani, je préfère quand il joue. Mais c'est pas mal ça. Un truc à la Satriani. Inspiration. Du 80. Comment? Thank you. batteur. Ciao Benja.